potes. Là on est quatre, on écrit vers le pic, on se remémore l'époque. On avait les becs où y'avait tous les potes, t'arrêtes 4 breaks. Est-ce que me berce? Je vais direction Port Saint-Louis, je vais en fumer, je vais finir en fumer. Ton vieux port cette nuit avec la gratte. Baby worry, on écoute du pop et on se moque. Make a Mary, j'job trop, j'ai même pas le temps de voir ma série. Et quand je me pose des questions, ouais je demande à Siri. Tu crois que c'est ton frère, tu le vois présent comme ton nom. Bah quand il fait des délices, pas ta revue qui donne ton nom. Je suis passé, je vis des mecs cagoulés tout en noir. Sur la province, règlement de compte, c'est même plus étonnant. C'est pas rester à la maison que je vais t'aider mis à mort. C'est pas en comptant sur les gens, je vais me faire les couilles en or. Je suis passé dans le 13-14, PP c'est plus la mort. Les petits restent tellement charbon qu'ils voient même plus la mère. Qu'ils voient même plus leur mère, qu'ils voient même plus leur père. Ils font même plus confiance en personne, ils font confiance qu'à leur père. Et dans le game, tout un certain poteau, c'est pas de l'eau. J'ai la tête sur les épaules, fais pas ton vice, ami, on flatte l'eau. Le capitaine du navire, il compte toujours sur ses matelots. Des fois je bloque, je pense aux gens dans le ciel quand je matelot. Sirop, citron, kiwi, là la boucle c'est qui lui. Kalachi en voiture, les tirs, ils tombent vers minuit. Quand y'a un bruit dans le milieu, ma rue, il faut pas te mêler. Parce qu'un petit maintenant, il fait courir un grand comme Dembélé. T'es pas trop le suceur de lui, ou on va te dire pompe-le. À dire qu'un âge colle à des gens que pour pas s'en délai. Pour mon label, à la vie, à la mort. Chez nous, c'est l'OM, virage, chute, virage nord. Comme Cabenueve, je les remets d'accord. Faut tomber plus que les autres pour l'avantage. Faut pas trop faire le costaud. Parce que tu peux finir à l'hosto. Ça m'éloigne quand tu sors un monstre. Parents, je baisse le game comme si c'était mon devoir. Des gens, ils m'ont blessé, cherchent encore à me voir. J'suis dans GTA, je sonne dans la ville comme Trevor. Et j'mange des trésors à 13h. Un mot de travers, tu peux finir d'une balle mort. Ou grièvement blessé à l'hôpital nord. Ça monte des escaliers en Afrique, à Twin Powin. J'avais pas le crocodile, j'fais la Liga à tort. Mon pote, voudrais mieux que tu te la fermes si t'as tort. Il vaut mieux un vrai poteau que si bandeur. J'suis au-dessus de la ville comme un mirador. Faire attention aux petits vendeurs. M'ont pris pour une salope. J'ai même plus envie de dire CLM. En plus, ils sont dans plein de salades. Ici, vaut mieux marcher seul. Et sur ma joue, y'a des larmes salées. J'ai conduit à côté de mon salève. Et sur internet, rien que ça l'ouvre. Et dans quoi ça s'allume? Et dans quoi ça s'allume? Y'a lui qui est plus derrière. On éteint la lumière. Vas-y, casse la PR. J'leur parle, laissez faire. J'suis caché dans la grotte. En ce moment, il te minique SFR. Mon but tout blanc, tout gentil. Croyait que j'allais me laisser faire. J'suis pas le gros, j'écoute les gens. Ouais, j'fais des efforts. À la vie, à la mort. Chez nous c'est l'OM, virage chute, virage nord. Comme Cabenueve, je les remets d'accord. Faut tomber plus que les autres pour l'avantage. Faut pas trop faire le costaud.